Okay, ah, okay, yeah, yeah, ha, ha, yeah, okay, okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's a sign of the flow. Fox Dogs, hello, sign of. J'ai sectionné les lumières qui me retenaient dans l'ombre. Faites marche arrière parce que je suis attiré par la lumière. Oh me merde, j'ai trop fermé ma gueule donc j'ouvre mon cul. Ta langue mon PQ, t'as essuyé ma merde et tu t'es tu. Je ne vous pisse pas sur le dos pour vous faire croire qu'il pleut. Je rappe mon vécu trop terre à terre sur mon terrain. Trop de rajout, tu le rajoutes, je m'en bats pas les reins. Donc pas d'histoire à dormir debout sans tomber par pour terre. Pour pas se priver le son est criblé. De l'éric se fume en le terrain est miné. Saute l'ami, le cru est certifié. Torse l'osage, silence et fax, ambiance-toi ou casse-toi. Mais ne reste pas pétrifié, l'horrible dribble et shoot en plein dans l'axe. Plein de mic check. 1, 2, 1, 2, le flow ne sente pas le check. Car on ne rappe pas la bouche pleine des bourgeois play. Et leurs oreilles saignent, ils flippent. Car notre amour du rap est flamme et prend l'apparence de haine. Fax, stop, c'est nous. Ah, c'est lui. Continue son petit bonhomme de chemin, pareil pour deux. Pieds et poings liés, crier cul, mais toujours à point. Fox Dogs, hello. Sign up, paré à bouger. État d'esprit vandale, si grec et no-KS. Je pédale dans la semoule, donc je suis venu foutre mon grain de sel. Avec de gros tu en sel, au rap tu fais l'amour sans les rouler du pelle. Je suis accompagné d'un bon cru qui m'a bercé. Qui le cru mes lèvres sont gercées par 50 degrés dans le gosier. Inspiré par une bouffée d'air nauséabonde. D'un beau esselé, mes neurones sont déboussolés. Je n'inonde aucune onde. Du coup je suis venu vomir au rap et au monde. Ma dernière bouchée, je suis le gros lard. Aux épaules carrées, je ris parce que mon rap t'embrasse comme les polars à l'otarie. Suis-je une divinité ou la chute? La réponse de mauvais goût, d'une blague qui dégoûte. J'passe du coq à l'âne, mais la suite est logique. T'as cramé la patate, j'suis dans mon monde comme la lane. J'déclenche mon rap cynique, sans suit une secousse sismique. Hey, secoue tes hanches sur la rythmique. Fat Stock, c'est nous. Ah, c'est lui. Continue son petit bonhomme de chemin, pareil pour deux. Pieds et poings liés, crier cul, mais toujours à point. Fox Dogs, hello, hey. Sign up, pareil à bouger. État d'esprit vandale, si grec et no KS. Cours après le magot à queue, comme un chien tu tournes en rond les billets. Mauve d'eau, Béléron se sert dans la cheveau. Rond de la bonne d'eau, alcoolisé, la révolte ne tire plus droit. La poudre est blanche et le baril ne saute pas. Qu'importe la flamme, la haine, la flemme l'emporte autant que n'emporte l'oseille. Au grain je veille car tous payent, rien ne sert de mytho. Le passé court plus vite que le présent sans raison. Ils se traînent et les noirs veulent être blancs ou bien rester nègres. Pour ma part, ma tête grainée, impossible que je la défrise. Triste, fiote encore quelques coups de gros et mes chaînes se brisent. Arrêtez déjà cassé. Rendez-vous par la cravate dans l'hémicycle, c'est la crise. Mon rap reste frappé, s'attrape comme la grippe à surface. Mais les pattes se graissent et le patron reste gras. Laisse béton à courir après le bifton, je reste ivre. Mais laisse l'esprit occupé, n'est pas libre.